Wesh, avant en créole, il n'y avait pas de formule de politesse, les bails de s'il te plaît, merci, tout ça là, ça existait pas avant en créole. Créole francisé, rétécisé, passé qu'on s'en en capalé, négopolitain des pieds jusqu'au palais. En nous aller, en cas où laisser air là. Créole là, en cas monter mon, c'est ça, au cas du moins l'air. En cas descendre en balade, ou pas arrêter là. Et en cas boire sa propre moi, même sans accent. Zak passé langue, toutes ces langues là mélangées. Moun capalé français, arabe, chinois, anglais, sonique. C'est pas ou à n'importe qui moun faut rétécisé, en paquet ni méchanceté, donc faut méfier. Mais pour la restance et la famille, donc pas ni souci. S'il vous plaît, ou mon côté français a pris le dessus, et sincèrement, je me fous pas mal d'être bien perçu. Et peu importe ton vécu, la vie est dure. Des coups, tout le monde en a déjà reçu. Chacun son quota de galère, et même si c'est dur, faut essayer de passer au-dessus. J'envoie une force à tous les réels qui marchent avec amour. J'espère qu'il vous sera rendu en retour. Excuse-moi si je t'ai blessé un jour. Je déblaye ma route pour ne pas rencontrer d'obstacles sur mon parcours. Les réels se reconnaissent, présents même dans la détresse. Les réels se reconnaissent, ils sont présents même dans la détresse. S'il vous plaît, oh oh, s'il vous plaît, excusez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, excusez, s'il vous plaît, oh oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, excusez, s'il vous plaît, oh oh, s'il vous plaît. Tu pourras demander les choses de la manière que tu veux. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce sont les intentions. Et si elles sont mauvaises, ben ça sert à rien, parce que dans tous les cas, ça ne passera pas.